Et nous allons parler cinéma avec Léa, car c'est le moment de ta critique hebdomadaire. Oui, tout à fait. Alors moi, cette semaine, je suis allée voir le surfeur winner ascendant snowboarder. J'ai nommé Brise de Nice, le troisième film. Oui, parce que le 2, il l'a cassé. Voilà, le ton est donné. Alors la toute première chose à dire, histoire de poser les bases, c'est que Jean Dujardin est incroyablement talentueux. Le mec se casse à Hollywood, boit un café avec George Clooney, revient avec un Oscar et porte de nouveau cette perruque blonde, faisant au passage un bras d'honneur à tous les oscarisés et les césarisés qui regardent de loin le genre comique avec un dédain à peine dissimulé. Jean Dujardin reste humble, il retrouve ici ses potes moins connus et son réalisateur mal aimé, mais pourtant visionnaire, James Hutt. Clairement, le personnage de Brise de Nice n'existe que par et avec son alter ego, Jean, sa vanne précise, ses mimiques burlesques et sa gestuelle inégalable. Je crois qu'aucun comédien n'oserait entacher son CV avec une suite pareille 10 ans plus tard, mais lui, si. Il l'a fait pour la déconne et ça se sent, il s'éclate et il nous éclate. C'est un ovni de tout ce qu'on sort au cinéma en France. Déjà par sa structure déstructurée avec flash-forward, retour en arrière, partie musicale, mais aussi avec une séquence complètement sous-acide façon Dragon Ball Z et une conclusion aussi timbrée qu'ambiguë. Je parle de Dujardin, mais un petit mot sur Bruno Solomon qui nous présente un Igor Dosgore cherche pas ta tort, très atypique et surprenant. Tout comme le premier opus, ce film ne se prend pas au sérieux. C'est un véritable bijou de loufoquerie qui casse absolument toutes les comédies françaises formatées, prémâchées, clichés et académiques. James Hutt pose sa caméra et nous rappelle qu'on sait toujours faire des comédies, qu'on sait toujours faire des films de potes, qu'on sait toujours utiliser une BO pop-rock à bon escient et qu'on sait toujours faire de beaux films bien photographiés avec une mise en scène culottée. Le seul truc, c'est qu'on savait plus trop comment faire tout ça en même temps. Merci James Hutt de nous le rappeler. Je dis que le film est un tissu de déconnade, mais il n'oublie pas cependant de glisser quelques messages intelligemment posés par-ci par-là sur l'amitié et la loyauté, mais surtout, et aussi surprenant que ça puisse paraître, un message écologique puissant. Bien entendu, le film n'est pas parfait, mais il a le mérite d'oser, de prendre de véritables risques. Il y a une baisse de rythme vers le dernier tiers, justement quand il est question de se poser face à un scénario qu'ils ont pondu. Scénario déjanté et absurde à souhait, mais dès qu'il s'agit de résoudre le sac de nœuds qu'ils ont créé, ça devient un peu plus banal, presque ennuyeux. Autre petit malheur, on a du mal à se détacher de l'humour du premier, avec son lot de phrases cultes qui sont quasiment toutes reprises ici. Mais le bon point, c'est que c'est encore plus poussé à son paroxysme. On vérifie donc que grâce à cette suite, l'adage, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. C'est politiquement incorrect, c'est absurde, loufoque, kitsch. Autant de dérives et de non-sens, c'est jubilatoire. Alors si comme moi, vous êtes adepte du second, voire du troisième degré, je vous conseille de vous précipiter au cinéma à voir ce grand blond avec un short noir, parce que ça fracasse. Merci Léa. Et de rien.